La vie meurtrière, chapitre 2, troisième partie. Au premier mercredi, et bien avant le temps, j'étais prête à me rendre chez Madame Montessac et randonner dans les environs. La chose, en soi toute simple, avorta, bien que je n'eusse qu'à monter. Mon éternelle irrésolution fit que, ballottée par un tas d'incohérences dont je sentis le ridicule, j'en restais au désir, sous prétexte qu'il était trop tard, et je revins à mon troisième, où j'accusais la destinée et chargeais le sort de mes maux. La crise passée, je considérais que mon absence ne saurait être prise à mal, au contraire. Peut-être même y verrait-on quelque délicatesse, et je finis par m'en convaincre. La semaine d'après, j'osai jusqu'au bout. Le cœur battant à rompre, j'effectuai mon entrée dans ce salon redouté, sans le moindre éclat, je dois dire. Trois dames et un monsieur l'encombraient de leur présence, et les objurgations muettes que je ne cessais de leur adresser, du coin où j'avais terré mes élans, restèrent à ce point vaines que je crus un instant que ce serait à moi, dernier venu, de leur céder la place. Les choses, par bonheur, n'allèrent pas jusque-là. J'admirais l'aisance avec laquelle Madame Montessac tenait tête à leur fadeur, et sa grâce amenait la conversation, comme j'eusse admiré le contraire, ou toute autre chose qui eût émané d'elle. Je me tins le plus modestement possible, et n'aventurai que de rares propos, émasculés et ternes à souhait. On parlait théâtre, par hasard, mais, à la mollesse des reparties, je jugeais que la palabre tirait à sa fin. Évidemment, le monsieur avait épuisé son stock, et les deux dames, après de courageuses tentatives d'éreintement collectif, se voyaient réduites au silence. Une diversion traîtresse sur Madame Z, qui précisément quittait la pièce, et son horreur de chapeau rata. Il y eut un temps, un peu long, je le dégustai, puis, sur un geste du monsieur qui semblait réclamer l'attention, de nouveau les péronnelles se tendirent, mais rien ne vint. Enfin tout ce monde partit, et je pus m'approcher. J'avais, la quinzaine écoulée, tant songé à cette visite, j'en avais si bien prévu l'ordonnance, qu'au premier contact, tout faillit se gâter. Rempli de passion, à ce point de n'agir qu'en état de demi-conscience, je ne pouvais croire qu'il existât de sentiments comparables aux miens. Seul, à celle qui en était l'objet, pouvais-je en prêter d'analogue, mais sur ce chapitre, il ne suffit pas de décider. Je dus tout de suite rabattre mes prétentions, car, bien qu'issues du plus profond, les paroles que j'aventurais demeurèrent sans écho. Sottement, je m'étais imaginé que de nos 10 minutes de causerie, Madame Montessac aurait conservé un souvenir intense. Grande fut ma déconvenue, quand, au rappel que je lui fis, j'obtins pour toute réponse un « Ah oui !» distrait, qui, sur le champ, me la fit prendre en horreur, elle et toutes les créatures de son sexe. Un sourire remit tout au point. Prudent, néanmoins, je louvoyais, tournant autour des sujets avant de les entreprendre. Je parlais de littérature, de la soirée, de Darnac, puis, par d'insensibles retours, j'en revins à elle. Et, par le choix des mots, le ton et certaines inflexions de voix que je savais caressantes, m'efforçais de lui plaire et crois bien que je réussis. Toutefois, bien que je fisse le possible pour me contraindre, mes yeux durent être plus expressifs encore que mes phrases. Car, à chaque fois qu'ils croisèrent les siens, je la vis se détourner, battre des paupières et manifester un émoi flatteur peut-être, mais gênant et dont je n'étais pas indemne davantage. L'exacte signification de cette entrevue et la portée de ce que nous y échangeâmes ne m'apparurent d'ailleurs que bien plus tard. Sur l'heure, j'aurais été bien embarrassée de la définir. Je n'en constatais pas moins, et dans un tête-à-tête aussi chargé, le fait est bizarre, que pas une seconde la raison ne m'abandonna. Je restais lucide, et mes désirs, pour sincères et violents qu'ils fussent, ne se manifestèrent que dans les limites où les inscrivit ma volonté. Nous effleurâmes mille choses, dont la plupart eussent, en autre lieu, passé pour insipides, et l'étaient. Mais les intentions dont je les nuançais rendirent leur sens assez clair pour que Madame Montessac n'y demeura point indifférente. De nombreux symptômes le marquèrent. Je n'eus garde d'abuser, éveillé, tout en conduisant la barque selon mes intérêts, à ce qu'elle seule parut la diriger. Je lui abandonnai sans peine ce mince honneur. Au total, gravement ou sous le couvert du badinage, mais sans prononcer un seul mot douteux, je parvins à dire à peu près ce que je voulais. Rien n'était moins préparé que mon attitude. J'étais ardemment épris, voilà tout. Et, seule, une sorte de divination lui donna ce tour qui ressemblait à une tactique. Sitôt dehors, je me le reprochai, mais pas à ce point cependant de n'en pas savourer les avantages. Je ne fis durer ma visite que l'indispensable. Madame Montessac ne fit rien pour me contraindre, mais son au revoir m'enchanta. « À mercredi, » me dit-elle, et elle ajouta, « Je compte absolument sur vous. » Je ne fus pas mécontent de cette première escarmouche, et le reste de ma journée s'en ressentit. Contre toute attente, je la terminai gaiement, et les sombres humeurs, pour une fois, m'épargnèrent. Je repris mon travail et collationnai mes documents avec une fougue dont 15 pages d'affilée furent le très appréciable profit. Un soir, je trouvai dans mon courrier une lettre dont le timbre portait mention d'un village de la Côte d'Or. Je devinai qu'il s'agissait de Jeanne, et je l'ouvris avec un sentiment de curiosité bien naturel, mais sans la moindre appréhension. La voici. Cher monsieur, je me permets de vous écrire quelques mots. D'abord, je vous avais promis mon adresse, et si j'ai tardé à vous l'envoyer, c'est que je me suis de nouveau trouvé pas bien. Maintenant, c'est fini, mais le docteur d'ici prétend qu'il faut que je reste le plus possible à la campagne, et je me décide à lui obéir. Il n'a presque pas plu, et je passe toutes mes journées dehors. Le pays est magnifique, je bois du lait, et suis sûre que je vais engraisser. Je serai bien contente d'avoir de vos nouvelles. Je pense souvent à vous qui avez été si bon, et également à Monsieur Darnac. Faites-lui mes amitiés si vous le voyez. Votre bien dévouée, Jeanne Bargueil. Mon adresse, chez Madame Mout à Vénaret, Côte d'Or. Mes dispositions étaient trop favorables pour que je pusse trouver à la lecture de ces lignes puériles autre chose que des motifs de contentement. La petite allait bien, et la distance, tempérant ce qui pouvait subsister de mes inquiétudes, me donnait toutes aises. Je tins à répondre de suite, et le fis sous ses impressions. De la même plume, donc, que j'eusse écrit à Madame Montessac, et si fort troublé d'elle, je fis une réponse où se mêlaient, aux gentillesses de saison, certains termes plus émus qu'il n'était séant. Emporté par mon allégresse, je confondis les choses et les personnes, et, de la meilleure foi du monde, fis presque à l'une l'aveu qui revenait à l'autre. Sur quoi, l'esprit bien en repos et satisfait, j'allai dîner, puis au théâtre, où j'achevais bonnement la soirée. Plusieurs jours passèrent sans que le moindre nuage vînt obscurcir une si belle quiétude. Et mes suivantes visites à Madame Montessac ne firent que confirmer cet heureux état. Nous étions arrivés au point d'aborder les sujets sentimentaux sans contrainte. Je m'observais néanmoins, et tâchais, non pas de briller, ce qui eût été médiocre, mais d'intéresser. J'usais de certains moyens que j'avais toute raison de croire efficaces. Dès la première minute, m'était apparue chez cette adorable femme une droiture et une honnêteté si scrupuleuses que toute tentative de séduction directe eût échoué piteusement. Je m'en fus au surplus montré bien incapable. Par contre, je ne sais quelle douceur dans le regard m'avait vite renseigné sur le côté accessible de son cœur, la bonté. Bonne, elle l'était foncièrement, et j'en fus dès l'abord saisie. De plus, n'ayant pas d'enfant, et vivant aux côtés d'un homme agréable, mais léger et tout extérieur, ses immenses réserves de tendresse demeuraient quasi sans emploi. Je le vis bientôt, lorsque, touchant certains points de ma vie, je me laissai aller à des confidences. Son attention charitable et mutine devançait mes paroles et les encourageait. Aussi fus-je très vite pour elle sans secret, car tant de délicatesse m'était chose si neuve, et j'avais d'autre part vécu si fort sevrée de toute affection désintéressée, que je ne sus me retenir, et m'abandonnai plus qu'il n'était séant. Je perdis même un peu la tête, si bien que, grisé par mes histoires, j'y ajoutai beaucoup de mon cru. Cependant, bien que toutes ces douceurs me missent dans un état d'excitation facile à comprendre, je n'entrevoyais pas d'autre résultat. Moitié force, moitié bon gré, je prenais le mal en patience. J'avais moralement de si délicates compensations, mais les retours chez moi et les soirées manquaient d'agrément. Trop d'images alléchantes y venaient hanter ma solitude et changer mes lys en fleurs de moindre pureté. Au dehors, la vie suivait son cours. L'histoire de la sculpture française au XIIe siècle aussi. Montessac s'était emballé sur l'idée, en sorte que ma prose s'égouttait périodiquement dans le Parthénon, en attendant la consécration définitive du volume. Je reçus à ce propos quelques lettres de tons divers, la plupart réfutant des erreurs que je fus bien contraint de reconnaître, mais je le fis en dernière page, brièvement, et du plus haut que je pus. La riposte n'en vint pas moins, définitive, si bien que je dédaignais d'y répondre. Ce n'était pas précisément la gloire, mais on s'occupait de moi. Je continuais à voir d'arnaques, mais notre amitié pâtit quelque peu des circonstances. Certes, nous nous rencontrions avec le même plaisir, mais la conversation parfois devenait languissante. J'avais si peur de trahir mon secret que je pesais chaque mot et me défendais de tout abandon. À ce commerce, nous étions impropres, de sorte qu'il était bien rare qu'au bout de 5 minutes, on ne se séparât, chacun ayant affaire de son côté. On était au printemps, et la saison s'annonçait merveilleuse. J'en profitai pour explorer les environs de Paris, que je connaissais assez mal, et visiter Rouen, Compiègne, Chantilly, Chartres et Fontainebleau. Je rentrais ordinairement le soir, mais il m'arriva de passer la nuit, et rien ne m'était meilleur que d'ouvrir ainsi ma fenêtre, au petit jour, sur des paysages inaccoutumés, et d'en respirer la senteur à pleine gorge. Un soir, je me trouvais à Saint-Germain, errant sur la terrasse, et si fort pénétré de ce lieu splendide, que je n'en pouvais distraire mes yeux. Déjà, le jour tombant massait en grandes ombres toutes ces formes aux ordonnances merveilleuses, et j'en subissais le charme dissolvant. Bientôt le crépuscule vint, et la nuit grise. L'horizon disparut d'abord, submergé, puis Paris, où luisaient des dômes, et, du côté de Marly, la Seine dont l'étain se plomba. De ci, de là, des bois noircirent. Le Vésinet, le Pec et la forêt brusquement dense où tout chant cessa d'un coup. Un frisson courut et je sentis le froid de la pierre. Je me levai, car j'avais projeté de dîner à Paris. Mais, toujours irrésolu, les raisons que je m'étais données s'en allaient une à une. Je fis quelques pas du côté de la ville. Des gens passaient, désœuvrés et bâillant de fatigue, d'autres couraient à leur train. Que faire? Flasque, j'hésitais toujours, quand, derrière moi, le sable grinça. Machinalement, je regardai. Accompagnée d'une autre personne, je reconnus Madame Montessac et mon sang ne fit qu'un tour. « Comment ? » dit-elle. « C'est vous ? En voilà une bonne surprise. Ah ça ? Que faites-vous ici, tout seul, à pareille heure ? » ?»« Seul, je le suis toujours. Quant à ce que je fais ici, j'étais précisément en train de me le demander. Vous rentrez à Paris ? Si vous voulez. Comment si je veux? Je ne puis me décider à rien. Aidez-moi. Impossible, je pars. Alors moi aussi. C'est votre droit. Voyons, madame, puisque j'ai cette chance invraisemblable de vous trouver là, laissez-moi l'épuiser jusqu'au bout et vous accompagner. Voilà ce qui s'appelle n'y pas aller par 4 chemins, dit la dame qui n'avait pas encore ouvert la bouche. De quoi se mêlait-elle, celle-là? Méchamment, je la dévisageai, flairant la gêneuse. C'était une assez forte femme qui pouvait avoir 40 ans et débordait de partout. Sa robe de foulard bleu lui collait aux seins et aux cuisses, et, sous les bras, de larges croissants sombres y témoignaient de la chaleur avec exagération. Un chapeau représentant un perroquet crevé sur un lit de cerises vertes, emblème sans doute, ornait sa tête poupine et souriante. Déjà je préparais quelques ripostes quand Madame Montessac intervint. « Monsieur Jacques Verdier, ma sœur. » Mes aigreurs se muèrent en un coup de chapeau grand style. « Monsieur Jacques Verdier, dont tu m'as si souvent parlé ? Je suis bien contente, monsieur, de faire votre connaissance. » Ah, l'exquise et franche créature! et que je l'eusse embrassé avec plaisir. Monsieur Jacques Verdier, dont tu m'as si souvent parlé, comme elle l'avait bien dit, et quelle heureuse simplicité! Mon cœur sauta de joie, je voulus récompenser toute chaude cette bonne parole. Malheureusement, mon zèle s'égara, et je n'arrivai qu'à mêler, dans un confus dithyrambe, la nature, le ciel, la terre, le chapeau, les cerises et le perroquet. Néanmoins, pour affirmer ma gratitude, je me précipitai sur un petit sac qu'elle tenait, et par force m'en fit confier le soin. Ce furent 2 ou 3 minutes de protestations et d'excuses, pendant lesquelles nous avançâmes de compagnie. Je fus verbeuse et frétillant. À la gare, cette excellente dame, qui était à 2 pas de chez elle, nous quitta, et j'assistai, déférant, aux embrassades, un peu à l'écart, par discrétion, mais l'oreille tendue, ce qui me permit d'entendre ce compliment, sans nul doute, à mon adresse. « Tu sais que je le trouve tout à fait bien ?» Puis elle partit, et nous restâmes seuls. « Madame, votre sœur est une personne exquise, » dis-je, pour m'engager sur un bon terrain. « Voyez un peu l'heure, » fit-elle, « j'ai peur de me mettre en retard. » « 7h10, le train est à 21, nous avons le temps. Vous avez votre billet ?»« Oui. » « Alors vous rentrez, décidément ?»« Avec joie. » »« Descendons, voulez-vous ?» Des gens se pressaient, nous les suivîmes. Arrivés au quai, j'ouvris un coupé au hasard. Il était vide. « Ça vous va-t-il ? » ?»« Comment donc ?» « D'ailleurs, il n'est qu'à moitié crasseux. Une erreur, sans doute. »« Oh, le fait est que cette compagnie, une véritable dégoûtation. Le public est d'une tolérance. Il est idiot, le public. Enfin, puisqu'il n'y a pas le choix, contentons-nous de ce qu'on nous donne. Il faut bien. » De tels propos sans malice nous permirent de nous installer heureusement. Nous leur en adjoignîmes quelques autres, mais l'énergie que nous mîmes à cet échange ne nous leurra ni l'un ni l'autre. Nous fûmes tous deux conscients de notre trouble et parvînmes mal à le cacher. J'étais profondément émue, si ridicule que cela puisse paraître d'un homme de mon âge, et ce tête-à-tête, à la possibilité duquel je n'eusse même pas osé croire la minute d'avant, prenait, à l'heure de sa réalisation, une gravité qui bouleversait tout mon courage. Quel en serait le résultat? Vers quel sort orienterait-il ma destinée? Et que serions-nous l'un pour l'autre au débarqué? Toutes ces pensées me traversèrent l'esprit, séchant au passage ce qui pouvait y rester de bonne humeur. Pris de je ne sais quel sombre pressentiment, je m'angoissais. Le train, d'un brusque effort, se mit en marche, nous jetant presque l'un sur l'autre. C'était une occasion de rire, je la saisis et la prolongeai même au-delà du raisonnable. À ce rire, Madame Montessac fit un faible écho, puis le silence retomba. Nous tangâmes ensuite sur des ferrailles, et le train s'engouffra dans le tunnel. Une atroce fumée noire envahit le compartiment. D'un même jet, nous nous précipitâmes à la portière, tirant ensemble sur la courroie. Il fallut insister. Toutes 4 nos mains se touchaient, cramponnaient, et, sous mon souffle, très près, je sentais osciller les boucles de sa nuque. « Ça y est, » dit-elle encore. « Pas malheureux, » ajoutai-je en me penchant pour constater la fermeture. Mais un chaos plus violent précipita ma chute et je ne sus me retenir. Mes lèvres vinrent heurter le beau cou tiède, un peu en dessous de l'oreille. Perdant toute retenue, j'appuyai par deux fois, goulûment. Un long regard attristé coula sur moi de ses yeux. Je tentai je ne sais quelle ébauche nouvelle de geste, elle l'interrompit. « Asseyez-vous. » Et comme je demeurais, elle appuya de sa main sur mon bras. Là, et ne bougeait plus. Honteux, j'offris un visage de victime. Mes yeux qu'étaient au sien le bas prétexte d'un sourire. « Votre présence me grise, pardonnez. »« Comme c'est dommage, » dit-elle. « Pourquoi ne pas vouloir que nous restions heureux ? Pourquoi plutôt ? La nature veut-elle que, nous autres hommes, nous ne puissions aimer que par la violence? La nature a bon dos. » Suppliant, je tentai de me rapprocher. Le petit doigt ganté de blanc m'arrêta. Mais, attendrie peut-être de tant de peine que je montrais, elle ajouta, « Moi qui vous croyais un homme raisonnable. » Au ton, je la sentis désarmée. Du plus drôlement que je pus, j'appuyai. Mais moi aussi, je me croyais un homme raisonnable. Le comique dut être intense et dépassa ma pensée. Elle éclata de rire. Êtes-vous drôle quand vous voulez? Je ne le voulais peut-être pas à ce point-là, mais fis néanmoins bonne contenance. Profitant même de l'accalmie, je trouvai moyen d'attirer à mes lèvres une main qui traînait et ne se défendit pas trop. « eh bien, ça recommence. »« Ça, lui dis-je, c'est dans le domaine public. Vous êtes stupide. » J'avais toujours observé que lorsqu'une femme dit à l'homme qui la courtise « Vous êtes stupide », elle est à moitié consentante. Fort de cette notion, je crus pouvoir oser, du moins je me l'imagine, car j'étais si ardemment épris et troublé que, bien plutôt les mots, jaillirent-ils d'eux-mêmes. Ah, vous êtes si merveilleusement belle! Son beau visage rosit d'un coup, pudique. Elle me toisa, littéralement stupide. Mais c'était dit de toute autre manière. Je compris et me tins quoi. Le train roulait en pleine à grand fracas. Nous avions, sans que j'y prisse garde, passé plusieurs stations et devions approcher de Paris. Pour couvrir ma défaite, je me collai le nez à la vitre, feignant de m'intéresser à ce qui se passait au dehors. « Vous avez l'heure ?» dit-elle. « 7h45. »« J'aurais dû prendre le train précédent. Celui-ci n'arrivera jamais. » Ces mots tombèrent sur mon pauvre cœur, chacun faisant sa meurtrissure. Je sentis une larme à mes cils. « Où sommes-nous ? Près d'Asnières, je crois. Merci. » Le sang aux tempes, j'attendis quelque chose de plus qui ne vint pas et m'enfermai dans le silence. Des minutes passèrent, interminables. Notre wagon sautait sur les rails. De ses ais disjoints, des roues, des essieux grinçants, sortait un vacarme infernal qui m'étourdit tout d'abord, mais à quoi je finis par m'abandonner. Bientôt le bruit se mua en une sorte de rythme égal et persistant, dont mes oreilles eurent au fait de noter l'ironie. « Tu as gaffé, tu as gaffé, tu as gaffé !» En vain cherchais-je à me distraire de cet écho fâcheux, toujours il insistait, tenace. Insidieusement, alors, je lui voulus imprimer de plus douces significations. Je n'y parvins pas davantage. Les voix hurlaient plus haut toujours. « Tu as gaffé, tu as gaffé, tu as gaffé !» la situation se tendait. Immobile, le coude sur l'appui-bras, l'index au menton, elle songeait, sans colère, me parut-il. Même un commencement, ou une fin, de sourire, errait à sa lèvre. Une seconde, je me repus de sa forme admirable, cela suffit pour modifier le ton du concert. Oui, je l'aime, oui, je l'aime, oui, je l'aime. Avez-vous fini de bouder là-bas? Je ne boude pas, répondis-je, bête. Venez là. Je m'avançai. Soyez bonne, dis-je, regardez-moi, et dites-vous-même s'il ne faut pas avoir pitié. Je ne vous en veux pas. Laissez-moi vous aimer. Les paupières basses, elle hocha doucement la tête. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas. Mais pourquoi, dites? Parce que. Alors? Alors voilà. Jamais? Jamais. Quelle tristesse! Mais non. Et comme vous êtes sûr de vous? Il le faut bien. Où irions-nous sans cela? Vous me désespérez. Soyez raisonnable, mon ami. Voyons, ne faites pas cette vilaine figure, et causons gentiment. Et que pourrais-je bien vous dire à présent? Soyez spirituel, je sais que ça vous arrive. Je levai les yeux, et sans doute il eut-elle le muet reproche, car elle corrigea. Soyez-vous? Moi, je viens de l'être, en toute sincérité, je vous le jure. Ah! Et si j'étais quoi que ce soit d'autre en cette heure, je mentirais. Gênée, elle se tut. Mais nous entrions en gare, et ce fut une diversion dont elle profita pour ses apprêts. Tâchez de m'avoir une voiture, dit-elle en débarquant. Je suis horriblement en retard. Volontiers. Et quittons-nous bons amis? La petite main s'avança. Je la pris et la baisai. Et à mercredi, sans faute? À mercredi. Un fiacre errait. Je lui fis signe, et Madame Montessa qui sauta, cependant qu'elle m'adressait un dernier et amical salut. Déjà le cocher, ramassant les rênes, fouettait son cheval, quand je me précipitai, tournant vers elle une figure ravagée. J'ai bien, bien, bien de la peine. Comme dans une buée, je vis ses traits retournés et ses beaux yeux infiniment tristes. Puis le cheval partit et je restai tout seul. Voilà donc où j'en étais. Dans le tohu-bohu des départs et des arrivées, je vaguais, débile et bousculé, ne pouvant croire à cette débâcle. Un si beau rêve, tant d'allégresses éteintes d'un mot. Jamais. Était-ce bien possible, et n'exagérais-je pas? Peut-être avais-je mal compris et mal vu. Défaillant, je tentai de reprendre les faits. Je les rassemblai, je les coordonnai, et les conduisis selon mes désirs. Rien n'y fit. Le fatidique jamais tombait toujours, inexorablement. Hé là, bougre d'empoté! Fit une voix. Un camion me frôlait. Je m'engarai tout juste d'un retrait. En regarde où on marche, animal! Vociféra dans sa moustache un vieux monsieur à nez rouge, dont mon talon froissait les orteils. Je marmonnai quelques semblants d'excuses. En face, au café, une table était libre, je m'y réfugiai. « Monsieur ne dîne pas ?» insinua le garçon. « Dîner, c'est juste... » Mais rien n'aurait passé. À quoi bon ? « Donnez-moi un boc. » Dans cet asile, je repris le cours interrompu de mes méditations, mais j'eus beau scruter cette heure, en fouiller le détail et la revivre, je ne parvins à m'accrocher qu'à des apparences aussitôt évanouies. Jamais. Cependant, elle a dit, je ne vous en veux pas. Par pitié. Et pourtant, une façon de sourire dut errer sur ma face, car, à trois pas, une fille s'y méprit, ripostant par des manières. Je me détournai, mais elle s'avança. « Tu payes quelque chose ?» dit-elle, les seins ballants, les cuisses proches à me frôler. « Hein ? Un petit boc ? Non ! T'es pas gentil !» J'allais la chasser. Une sale idée me retint. Après tout, puisqu'on ne veut pas de moi, assieds-toi. Le garçon rôdait dans les alentours. Il accourut. Un amer picon curaçao grenadine, commanda la belle. Rapport à mon estomac, daigna-t-elle m'expliquer. La bière me fait mal. La consommation, servie, disparut une lampée. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a donc, mon petit ? Dit-elle en reposant son verre. T'as l'air tout retourné. Sait-il que tu as des embêtements ? Je haussai les épaules. T'es pas en train ? Non. Ah, faut pas se frapper, va, ça n'avance à rien. Bien sûr. Et puis ça se passera. Évidemment. Allez, bois un coup. Non. Viens chez moi. Non. Viens donc, on s'arrangera. Non, non. Alors, t'es malade ? Je m'ennuie. Toi, mon petit, tu m'as l'air d'être amoureux. Je ne répondis pas. Gâche que c'est ça. Elle ne veut pas, hein ? Mais non, laisse. T'es pourtant joli garçon. T'as essayé ? Non, là. Alors, comment tu sais qu'elle ne veut pas ? Elle te l'a dit ? Non. J'ai mis là, sans m'en douter, quelque chose d'énorme, car la fille pouffa. T'as pas essayé? Tu n'y as pas demandé? Et tu sais qu'elle ne veut pas? Ah, c'est! Fis-je, impatienté, honteux aussi de choir dans un pareil dialogue. Oh, moi, tu sais, je m'en fous. Ce que je t'en dis, c'est parce qu'il faut toujours être poli avec les personnes. En voilà assez, hein? Bon, bon, ne te fâche pas. Je vais tout de même te donner un conseil. T'en feras ce que tu voudras. Et puis, ces machines-là, ça nous connaît, pas vrai? Au lieu de pleurnicher et de lui raconter des boniments, fiche-lui la main au cul à ta bonne femme et tu m'en diras des nouvelles. Salope! Criai-je. Je mis 2 francs sur la table et me sauvai. Va donc, Joseph! Hurla-t-elle sur mes talons. Ce que fut le reste de la soirée, on le devine. 3 mortelles heures gérées par la ville et sans but, enfin rentré mort de fatigue. Mais, couché, le sommeil ne vint pas et je ne m'assoupis qu'au jour. J'avais, en peu de minutes, passé de la plus douce espérance au dégoût total et subi de tels ravages que je gardais de cette journée une rancœur que rien n'effaça. Je pris même une sorte de plaisir à lui chercher des aliments lorsque je la sentais faiblir. Néanmoins, je repris mes travaux avec un feu dont ils bénéficièrent, mais qui ne provenait point d'eux, m'enfermant dans les bibliothèques comme l'ivrogne au cabaret pour oublier, tuer même, si possible, cet amour, avant que les fibres en fussent trop tenaces. Puis je voyageai. J'allai à Londres, mais n'y restai que 5 jours, interminables. À Dijon, à Lille, à Rennes, à Bruxelles, à Amsterdam, où la crise atteignit son paroxysme. Je voulus revoir aussi Darnac, et d'autres connaissances un peu abandonnées, mais sans grande conviction, par devoir pour tout essayer. L'âpreté de mes propos fatigua vite tous les bons vouloirs. Je m'étais juré de ne plus retourner chez Madame Montessac, et c'est avec une joie sauvage que que je fis coïncider une de mes sorties avec son jour. C'était à Lille. J'y traînai 6 heures et fus rarement plus malheureux. Le mercredi d'après, je partis pour Londres. L'argent me tremblait aux doigts lorsque je payais le coupon. À Calais, je fus sur le point de rebrousser chemin, mais l'orgueil me soutint et je m'embarquai.